de ce soir vous emmène en terrain mécréant en ce jour du Seigneur. Vous avez la foi de la musique, vous êtes un fervent pratiquant de micro et d'instruments. Eh bien, oubliez tout, ce soir c'est la perte de foi qui règne en maître avec les Américains de Faith No More. Le groupe s'est formé en 1981, mais la formation est restée assez instable avant le premier album qui est sorti en 1985. Plusieurs chanteurs ont entrepris la lourde tâche d'être la voix de Faith No More, y compris Courtney Love, qui se cherchait encore à cette époque. Faith No More sort donc son premier album en 1985, il s'appelle We Care A Lot. Et quand les musiciens ont commencé à travailler sur ce disque, ils n'avaient pas encore de label, et c'est pendant l'enregistrement qu'un label les a contactés pour les faire signer. Mordam Records venait de naître, et We Care A Lot a été le premier album produit par ce label. Depuis, Faith No More a beaucoup, beaucoup changé. En voici la preuve sur la scène du Greenfield Festival en juin passé. Stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, stronger, st Yeah. avoir un concert exclusif sur Color 3 jusqu'à 22h. Le groupe Faith No More s'est formé en 1981 et a vécu une vie normale de groupe de rock américain pendant 17 ans jusqu'en 1998, quand les membres ont décidé d'aller voir ailleurs si les cordes de guitare étaient plus vertes. Elles ne devaient pas l'être tant que ça puisque le groupe s'est reformé cette année pour une tournée européenne. C'est une tournée qui les a amenés au Greenfield Festival, un concert que Color 3 vous offre en exclusivité ce soir jusqu'à 22h. If we met, it was a long time ago. You guys look better than you did 10 years ago. You've gotten younger. L'émission phare, 19h, 22h, sur la 3. We'll be right back. but it's so easy for me. Yeah, there's always one. Thank you. put your hands in the air. Les Américains de Faith No More vous charment les oreilles ce soir sur Couleur 3 jusqu'à 22h. Faith No More sort son deuxième album en 1987, Introduce Yourself reprend quelques titres de l'album précédent et arrive à faire sortir un peu le groupe de la masse des musiciens américains qui cherchent le succès. Mais pour le groupe, la période n'est pas si faste que ça. Le chanteur Chuck Mosley est viré pour s'être comporté de manière intolérable pendant les concerts. Les autres membres n'étaient pas plus en forme puisqu'ils ont acquis à cette époque la réputation de se battre entre eux et de se détester totalement. Heureusement, depuis, Faith No More s'est calmé et tous les membres du groupe ont accepté de se réunir pour une tournée européenne avec le même intérêt en jeu, l'amour de la musique bien sûr. Les voici rien que pour vous au Greenfield cet été et sur Couleur 3 ce soir. Face, my ce moment en concert, c'était en juin passé au Greenfield Festival et c'est ce soir sur Couleur 3 jusqu'à 22h. Quand le groupe s'est reformé cette année après 11 ans de projets annexes, le label Rhino en a profité pour sortir The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hit Collection, la sixième compilation de Face No More. Et il se murmure sur internet que le groupe pourrait sortir un nouvel album studio très bientôt. Mais bien sûr, tout ça est à prendre avec des pincettes et pourrait n'être que pur délire de fans. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Face No More était au Greenfield Festival cet été, en concert qu'on vous retransmet ce soir, rien que pour vous, sur Couleur 3. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know what to know the game. You see a bag stole in the bar room. That's why I'm easy. finalement en concert pour encore un petit moment ce dimanche soir sur Couleur 3. Le chanteur du groupe Mike Patton a toujours eu une attitude assez ambivalente envers la célébrité. Il méprise les artistes qui se comportent comme des rockstars et qui essayent de faire croire que leur vie est dure. Il le disait d'ailleurs déjà très clairement en 1995. C'est vrai que c'est difficile de voir tout ce que tu voudrais quand tu es en tournée, mais c'est encore plus difficile de prendre de la coke et de se faire des putes chaque soir. Ça, c'est un job à temps plein. Voilà en résumé la philosophie de Mike Patton, le chanteur de Faith No More, mais écoutons plutôt sa musique. The same mistakes, it doesn't have to be like this. If you don't make a friend now, one might make you, so learn the gentle arts of making enemies. Well, don't show up, so surprise! Happy birthday, you fucker! You don't have to watch it go out. You don't have to. Hey guys, we're very happy to see you. Thanks. Have you guys been here all day? And you stuck around for this? Thank you. It's very kind. You're having mercy on the elderly. We appreciate it. Les Américains de Faith No More terminent leur concert au Greenfield Festival et 7 heures de live sur Couleur 3. Demain, c'est lundi, donc c'est le début d'une nouvelle semaine de live avec Gossip. Et bien sûr, l'émission phare s'installe sur Couleur 3 dès 19h avec deux beaux jeunes gens, Mickaël et Vincent. Et puis JP, Claire, on vous dit bonsoir et on vous souhaite une douce soirée. And everybody needs a Zurich, 22h. New York, 16h.